So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes as I can. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour, cher Aurélien. Bonjour, chère Adèle. Aujourd'hui, votre question, une question qui vous est chère. Qu'est-ce que la télé-réalité? Eh bien, c'est un genre télévisuel apparu il y a une vingtaine d'années, autrement dit, trop tard. Trop tard pour que son apparition mobilise la critique autant qu'il l'aurait dû, car la télévision, incontestablement, décline, elle a perdu, avec l'apparition d'Internet, sa longue exclusivité sur le concept de modernité. On s'y intéresse de fait de moins en moins, moins qu'on devrait s'y intéresser en tout cas. Aucun Bourdieu pour se pencher à nouveau sur elle. Elle est toujours présente, mais le destin de notre civilisation ne lui est plus réservé comme à sa grande époque, quand ses commentateurs fascinés voyaient renaître et les jeux du cirque dans les jeux télévisés et la passion du Christ dans le fameux quart d'heure warholien de la célébrité. La télévision, c'est un fait, existe toujours, mais elle n'a plus charge d'âme comme à sa grande époque, elle est un peu désuète. Mais on sait depuis Hegel que ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. On aurait peut-être manqué quelque chose, arrangé trop vite la télé entre l'opéra et le roman parmi les splendeurs un peu défaites. Donc si je vous suis bien, ce qu'on aurait manqué, c'est la télé-réalité. On se souvient tous, en effet, c'était il y a 20 ans des débuts du Loft. C'est à ma connaissance la dernière fois qu'une œuvre artistique, au sens large, provoquait un tel scandale. La chose a vraiment été perçue par quantité de commentateurs sincères comme le signe patent de l'effondrement de notre civilisation. Vraiment, cela a été dit, écrit. Nous aurions touché avec le Loft le néant absolu. Ni la tuerie d'Utoya, ni la récente attaque du Congrès n'ont eu ce privilège insigne d'être regardés comme des préludes aux invasions barbares. Cela dit, paradoxalement, l'importance culturelle de la télévision plutôt, non ? Oui, sauf que la télé-réalité, passé justement ce premier scandale, et nonobstant quelques morts tragiques, est passée depuis presque inaperçue. Non pas qu'on ait cessé de la regarder, mais plutôt qu'on ait cessé de la voir. Elle est partout, depuis 20 ans, sur nos écrans hégémoniques, mais sait-on vraiment ce que c'est ? Obsédé par l'effondrement attendu de nos civilisations, et comme déçu qu'il ne se soit pas produit, on a manqué la télé-réalité comme révolution iconographique. Ah oui, c'est ça la télé-réalité, une révolution artistique ? En tout cas, au minimum, c'est un immense continent d'images à peu près inexploré par la critique. Des grilles à la Giotto, des premières téléréalités, celles qui enfermaient leurs candidats dans des appartements témoins Ikea aux scènes de genre innombrables, des téléréalités professionnelles, des ménageurs de l'extrême Top Chef ou couple recherche appartement, on est passé un peu à côté de toute une histoire de l'art. Tintoret, pour réaliser ses grandes fresques, s'était confectionné des figurines en chiffon qu'il déplaçait dans des sortes de maisons de poupées. Vous voulez dire que ce que faisait Tintoret, c'était déjà de la télé-réalité ? Eh bien, peut-être. Alors, comme tous les grands genres artistiques, en tout cas, la télé-réalité possède une longue préhistoire. C'est ainsi tout le théâtre qui l'a précédé, qu'elle résume ou qu'elle accomplit. Car qu'est-ce qui, en dernier lieu, la distingue ? Qu'est-ce qui lui est propre ? Sans doute une chose qui la rattache au cœur antique ou à la distanciation brechtienne. Ses intrigues sont sans cesse entrecoupées de moments où ses protagonistes, face caméra, devisent sur l'action en cours. Et donc c'est ça, pour répondre à votre question, c'est ça en dernier lieu la télé-réalité ? Je crois oui, c'est le moment où les poupées en chiffon prennent vie dans la maison de poupées, dans la boîte à chaussures de la télé. Quelque chose qui se rattache en tout cas et qui perpétue la grande aventure de la représentation, un art passé inaperçu parce que radicalement mineur. Sauf que maintenant que cette forme existe, même ce que nous avons de plus cher et de plus intime, notre conscience de soi, ce goût que nous avons même au cœur de l'action de retrouver un instant face caméra avec nous-mêmes, le calme du confessionnal, cela c'est déjà de la télé-réalité. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de Chemin de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui c'était Manon de la Salle avec Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malanda qui a réalisé cette semaine. À la lecture des textes c'était Denis Podalites. Podalides, à la prise de son, vous avez reconnu son doigté, c'était Jean Frédérix. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Suran avec Nicolas Cavaillès. On commentera cette citation de Suran, « La vie se crée dans le délire et se défait dans l'ennui », tout un programme. D'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant par exemple l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct ou